Néhémie chapitre 2. Et il arriva, au mois de Nisan, la 20e année du roi Artaxerxes, que le vin ayant été apporté devant lui, je pris le vin, et le présentai au roi. Or je n'avais jamais eu mauvais visage devant lui. Et le roi me dit, « Pourquoi as-tu mauvais visage, puisque tu n'es point malade ? Cela ne vient que d'une mauvaise disposition d'esprit. » Alors je craignis fort, et je répondis au roi, « Que le roi vive éternellement. Comment mon visage ne serait-il pas mauvais, puisque la ville qui est le lieu des sépulcres de mes pères, demeure désolée, et que ses portes ont été consumées par le feu ?» Et le roi dit, « Que me demandes-tu ? » Alors je priai le Dieu des cieux, et je dis au roi, « Si le roi le trouve bon, et si ton serviteur t'est agréable, envoie-moi en Judée, vers la ville des sépulcres de mes pères, pour la rebâtir. » Et le roi me dit, et sa femme aussi, qui était assise auprès de lui, « Combien serais-tu à faire ton voyage, et quand retournerais-tu ? » Et après que j'eus déclaré le temps au roi, il trouva bon de me donner mon congé. Puis je dis au roi, « Si le roi le trouve bon, qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs de delà le fleuve, afin qu'ils me fassent passer, jusqu'à ce que j'arrive en Judée, et des lettres pour Asaph, le garde du parc du roi, afin qu'il me donne du bois pour la charpenterie des portes de la forteresse qui touche à la maison de Dieu, et pour les portes des murailles de la ville, et pour la maison dans laquelle j'entrerai. » Et le roi me l'accorda, selon que la main de mon Dieu était bonne sur moi. Je vins donc vers les gouverneurs qui sont de deçà le fleuve, et je leur donnai les paquets du roi. Or le roi avait envoyé avec moi des capitaines de guerre et des gens de cheval, ce que Sambala, Horonite, et Tobija, serviteurs ammonites, ayant appris, ils eurent un fort grand dépit de ce qu'il était venu quelqu'un pour procurer du bien aux enfants d'Israël. Ainsi j'arrivai à Jérusalem, et je fus là 3 jours. Puis je me levai de nuit, moi et quelque peu de gens avec moi, mais je ne déclarai à personne, ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire à Jérusalem, et il n'y avait point d'autre monture avec moi, que celle sur laquelle j'étais monté. Je sortis donc de nuit par la porte de la vallée, et je vins par devant la fontaine du dragon, à la porte de la fiente, et je considérai les murailles de Jérusalem, comment elles demeurèrent renversées, et comment ces portes avaient été consumées par le feu. De là je passai à la porte de la fontaine, et vers l'étang du roi, et il n'y avait point de lieu où je pusse passer avec ma monture. Et je montai de nuit par le torrent, et je considérai la muraille, puis m'en retournant, je rentrai par la porte de la vallée, et ainsi je m'en retournai. Or les magistrats ne savaient point où j'étais allé, ni ce que je faisais, aussi je n'en avais rien déclaré jusqu'alors, ni aux juifs, ni aux sacrificateurs, ni aux principaux, ni aux magistrats, ni au reste de ceux qui maniaient les affaires. Alors je leur dis, « Vous voyez la misère dans laquelle nous sommes, comment Jérusalem demeure désolée, et ses portes brûlées par le feu. Venez, et rebâtissons les murailles de Jérusalem, et que nous ne soyons plus en opprobre. » Et je leur déclarai que la main de mon Dieu était bonne sur moi, et leur rapportai aussi les paroles que le roi m'avait dites. Alors ils dirent, « Levons-nous, et bâtissons. » Ils fortifièrent donc leurs mains pour bien faire. Mais Sambala, Horonite, et Tobija, serviteurs ammonites, et Gézem, arabes, l'ayant appris, se moquèrent de nous, et nous méprisèrent, en disant, « Qu'est-ce que vous faites ? Ne vous rebellez-vous pas contre le roi ?» Et je leur répondis ce mot, et leur dis, « Le Dieu des cieux est celui qui nous fera prospérer, nous donc, qui sommes ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons, mais vous, vous n'avez ni part, ni droit, ni mémorial, à Jérusalem. »